Ma voix, je crie à l'éternel. De ma voix, je supplie l'éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte toute ma détresse. Quand mon esprit est abattu, toi tu connais mes sentiers. Sur le chemin où je marche, ils m'ont caché un piège. Il n'y a personne qui me reconnaisse. Tout refuge m'a abandonné. Mais tu es mon refuge, ô Éternel, ma part dans la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, car je suis très misérable. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais sortir mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom.